mettre le pied en plein dans la soupe. Beaucoup de MC se disent de notre trempe, autant se trompe tous on se sent. Squat dans deux studios, accrochés au micro, certains d'entre eux vont percer, beaucoup d'entre eux sont rassés. Et même qu'ils le disent du bien sans le penser, notre force vient de la vie, vient du thème, de l'appui, de nos proches qui nous aiment. L'important c'est ce qu'on dit sans trahir qui nous sommes. Le rap provoque des réactions en chaîne, touchant les gens au plus profond d'eux-mêmes. Ce son est pour les grands du rap qui ont déçu, qui disent, qui braquent, qui vendent, qui tirent dessus. Le rap provoque des réactions en chaîne, touchant les gens au plus profond d'eux-mêmes. Ce son est pour les grands du rap qui ont déçu, qui disent, qui braquent, qui vendent, qui tirent dessus. Aujourd'hui pire qu'hier, de quoi sera fait demain? Doit-on oublier de penser à nous, oublier de se lever le matin? Pour travailler nos mains, oublier qu'on est rien. Et petit frère, te laisse pas engrainer. À suivre tes aînés, comme ça tu vas te gangréner. Faudrait conquérir, acquérir, pour changer de main les plaisirs. Pourquoi toujours les mêmes d'après toi? À vivre en HLM, hein, dis-moi. Les places sont chères et le partage des richesses inégales. Nous on parle aujourd'hui au nom de ceux qui ont la dalle. Lève-toi sinon t'es niqué. Dis-toi que t'es pas le seul à te prendre la gueule pour sortir ta cité. Le rap provoque des réactions en chaîne, touchant les gens au plus profond d'eux-mêmes. Ce son est pour les grands du rap qui ont déçu, qui disent, qui braquent, qui vendent, qui tirent dessus. Le rap provoque des réactions en chaîne, touchant les gens au plus profond d'eux-mêmes. Ce son est pour les grands du rap qui ont déçu, qui disent, qui braquent, qui vendent, qui tirent dessus. Si tu fais le bilan, ces 10 dernières années durant, on constate qu'un malaise grandissant. Tu fais partie d'une génération sacrifiée qui rêve de parabellum chromé. La rage à défaut de confiance, plongée dans la délinquance. Vas-y, montre la reste qui t'inspire. Et c'est tout ce que t'espères. Ni tout ce qui te gêne, pas moyen qu'on te freine. Serre-toi de l'élan que je donne ta haine. Moi j'ai commencé ma vie sans le sou, et peut-être que je vais mourir. Comme je suis venu, c'est tout. Mais vivre vieux du mieux que je peux, pour rien regretter. Les occasions, je les aurais saisies comme des raclis que j'aurais pété. J'ai pas l'idée comment finira ma vie. Tout ce que j'ai, c'est cette putain d'envie. Suffit pas de sauver les apparences, comme un candidat à la présidence. Réussir, construire, c'est comme ça qu'on s'en sort. Quand les coups nous rendent plus forts. Elle est dure la vie, plus on y pense, plus on le crie. Elle est dure la vie, plus on y pense, plus on l'écrit.